Les frères étaient beaux. Comme s'ils allaient à un mariage. Personne n'était débraillé. Tous étaient bien habillés, bien rasés, comme pour un mariage. Ici le commissaire principal Mézières. Les manifestants se sont de nouveau heurtés à nos services. Ils ont été refoulés par nos hommes qui usent de leur bidule. Nos observateurs évaluent à 4000 le nombre de manifestants. C'était très impressionnant. Sur la cinquantaine de bidules à la disposition des effectifs, 30 ont été brisés. Du côté assyrien, 2 morts, 3 blessés graves et 3 blessés par balle. On était à mi-chemin entre la Défense et Pont de Neuilly. Des gens rebroussaient chemin en criant. On a entendu des coups de feu. La foule a été paniquée, la foule a eu peur. Tout le monde est revenu, vous savez, en arrière. Tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. Et à un moment donné, on a été rattrapés par les gens qui venaient, vous savez, dans le sens inverse. Ils nous ont dit, fuyez, fuyez. Les policiers tuent les gens et les balancent à la Seine. Fuyez. Les gens, ils arrivaient en courant. Alors, vous voyez des gens qui saignaient de la tête. Vous voyez des gens qui n'avaient pas leur basket, vous voyez des gens apeurés, enfin, les gens couraient dans tous les sens. On a rebroussé chemin. Le FLN recommandait de ne pas rester groupés, de se séparer et de passer par les petites rues pour éviter de se faire tuer par les policiers.